Marcel avait été conducteur de train à Marseille au dépôt Saint-Charles. Un grand gaillard bien balancé, toujours fringué, comme un instituteur de province le jour de la fête des écoles, arborant sans cesse un énigmatique sourire vissé sur les lèvres. Affecté au service rapide, les grandes roues, comme on disait à l'époque, il conduisait régulièrement des trains de voyageurs prestigieux, comme le Rodanien, entre Vintimille et Lyon. Dans les gares, les triages ou les ateliers de réparation, les mécanos comme lui étaient surnommés naïvement, et aussi un peu, par malsaine jalousie, les pieds fins. Cette frange de cheminots, souvent des hommes au caractère bien trempé, vivait dans un monde particulier, fait de voyages incessants, d'attentes répétées dans des gares éloignées, de longues nuits successives de veille et de vigilance sans faille, de découchés pris souvent dans des conditions spartiates dans des foyers crasseux. Certaines tournées leur laissaient passablement de temps libre dans les villes où ils prenaient des repos extérieurs, parfois frôlant les 24 heures. Il fallait bien occuper son temps. Il y en avait qui ne ressortaient des foyers où ils avaient dormi que pour aller à la cantine ou reprendre le sac en fin de repos. D'autres qui promenaient des heures durant pour mieux supporter l'éloignement. Et quelques-uns aussi, il faut bien le dire, qui couraient sans cesse le guilledou comme des chiens fous, affamés de conquêtes féminines. Pour cela, il fréquentait assidûment les petits cinémas, les thés dansants ou les boîtes de nuit. Quand l'occasion leur était donnée de revenir en voyageur, si leur train du retour était supprimé pour une quelconque raison, ils cherchaient à provoquer des rencontres fortuites dans les rames qu'ils écumaient comme des gamins, de crainte de ne jamais être dans le bon wagon et de manquer quelque chose.